septième signe. C'est le saint béni soit-il, auteur de prodiges, faisant un miracle dans le monde. On raconte qu'il y a à Rome une pierre de calcaire en forme de belle jeune fille, non faite de main d'homme, mais que le saint béni soit-il, créa ainsi dans sa puissance. Et des impies des nations du monde, des fils de Bélial la chaufferont et coucheront avec elle. Et le saint béni soit-il, coagulera dans la pierre une goutte, et créera en elle une créature, et formera en elle un enfant, Walad. Et elle se fondra et en sortira une forme humaine, dont le nom sera Armillus. C'est le Satan, celui que les nations appellent Antéchrist, sa longueur 12 empans, sa largeur 12. La distance entre ses deux yeux est d'un doigt, ils sont d'un rouge profond, les cheveux de sa tête couleur d'or, ses orteils verts, il aura 2 crânes. Il ira vers l'impie Édom et lui dira « Je suis moi le Messie, votre Dieu ». Aussitôt, ils croiront en lui et le feront régner sur eux. Tous les fils d'Ésaü se coaliseront et viendront à lui. Il ira conquérir tous les pays et dira aux fils d'Ésaü « Apportez-moi ma Torah, celle que je vous ai donnée ». Et ils lui adresseront leur prière et il leur dira « La vérité, c'est ce que je vous ai donné ». Il dira aux nations du monde, « Croyez en moi, car je suis votre Messie. » Aussitôt, elles croiront en lui. Il enverra alors à Néhémie, fils Uchiel, et à tout Israël un messager pour leur dire, « Apportez-moi votre Torah et témoignez que moi, je suis Dieu. » Alors ils prendront peur et seront dans le trouble. Mais Néhémie, fils Uchiel, se lèvera, ainsi que 30 000 héros parmi les hommes d'Éphraïm. Ils prendront un livre de la Torah et liront devant lui. « Moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi. » Lui dira alors, « Il n'y a rien du tout de semblable dans votre Torah. Venez et témoignez que c'est moi, votre Dieu, comme l'ont fait toutes les nations. » Alors Néhémie, fils de Uchiel, se lèvera face à lui. Mais il dira à ses serviteurs, « Emparez-vous de lui et forcez-le. » Néhémie, fils de Uchiel, et les 30 000 qui seront avec lui, lui feront alors la guerre et tueront 200 000 hommes. Alors la colère de l'impie Armillus s'enflammera. Il rassemblera toutes les armées des nations du monde dans la vallée de la décision pour combattre Israël, dont ils tueront des quantités et des quantités. Et il ne subsistera que peu d'Israélites. De plus, il tuera le Messie du Seigneur. Les anges du service viendront et l'enlèveront et le cacheront avec les ancêtres du monde. Alors le cœur d'Israël défaillira et leur vigueur fléchira. Mais Armillus l'impie ne saura pas que le Messie sera mort. S'il le savait, il ne restera en Israël ni rescapé. Alors les nations du monde expulseront Israël de leur pays. Ils ne les laisseront plus habiter parmi elles dans leur pays et diront « Voyez ce peuple vil et faible qui s'est révolté contre nous ». Et ils ont un roi. La détresse d'Israël sera en ce temps-là comme il n'y en eut jamais depuis le début du monde. Alors Michaël se lèvera pour trouver les impies en Israël, comme il est dit. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que la nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Ensuite, Israël s'enfuira dans les déserts, et tous ceux dont le cœur hésite reviendront aux nations du monde et diront « C'est ça la rédemption que nous attendions, car le Messie est mort. » Et tous ceux qui n'attendent plus la rédemption en auront honte et reviendront aux nations du monde. Alors le Saint, béni soit-il, élira Israël et l'éprouvera comme l'argent et l'or, comme il est dit dans Zacharie. Je ferai entrer ce tiers dans le feu, je les épurerai comme on épure l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. Et il est écrit dans Ézéchiel, je séparerai de vous les rebelles, ceux qui se sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas au pays d'Israël. Et il est écrit dans Daniel, beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés, les méchants feront le mal. Les méchants ne comprendront point. Les doctes comprendront. Et tout le reste d'Israël, les saints et les purs, seront dans le désert de Juda pendant 45 jours. Ils pèteront et mangeront des aliments salés et cueilleront des feuilles de verdure. À leur sujet s'accomplira ce qui est dit dans Osée. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et pourquoi 45 jours? Car il est dit, à compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l'abomination de la désolation, 1290 jours. Et il est écrit, heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1335 jours. On trouve entre les deux une différence de 45 jours. Au même instant mourront tous les impies d'Israël qui ne sont pas dignes de voir la rédemption. Et Armillus viendra et combattra l'Égypte. Il la soumettra, comme il est dit, le pays d'Égypte n'y échappera point. Et il se tournera vers Jérusalem pour la détruire une seconde fois, comme il est dit. Il dressera les tentes de ses quartiers entre la mer et les monts de la sainte splendeur. Il s'en ira jusqu'à son terme pour lui, aucun secours.